Plusieurs proverbes qui, selon le cas, prennent tout leur sens et s'avèrent être la réalité. Par exemple, à l'impossible, nul n'est tenu, qui s'explique par personne ne peut avoir l'obligation de réaliser un acte si celui-ci n'est pas réalisable. Autre exemple, à tout seigneur, tout honneur, où chacun doit recevoir ce qui lui est dû selon ses mérites, ses actions, etc. Ou encore, cela ne sert à rien de devenir un jour l'homme le plus riche du cimetière. Qui s'explique ici par « il est inutile d'amasser de l'argent si ce n'est pas pour en profiter ». Comme je le disais, ces courtes phrases sont très souvent applicables et véridiques, et la liste des proverbes est longue, très longue. Mais il en manque un qui serait pourtant très important, soit celui-ci. « Le gobelin, tout comme le pain, en vieillissant, ne s'améliore point. » Ou si vous préférez, un sinistrose, ça se dégrade. Voici réanimation, et c'est bien pire parfois d'avoir un médecin et son assistant. Surtout lorsque le docteur vous dit « Mon pauvre, vous êtes épuisé, je vais vous injecter une dose concentrée de sérum de sinistrose. » Et non, une dose de sinistrose concentrée, ça n'existe pas. Et vous verrez ensuite, vous ne subirez plus jamais l'épuisement. Car parce que pour être épuisé, cela suppose d'avoir fait des efforts. Et tout comme sinistrose, vous en ferez le moins possible. Priez pour ne pas y survivre en foire, cause fear is our fucking business. We are Hunted Incorporated, because E and I said so. Let's go. Of the new German Reich welded into a mighty war machine. pas la bienvenue en cette nouvelle édition de Réanimation, ce 19 mars de l'an de disgrâce 2019. Monsieur Dr. Pain Pendragon, je vous accompagnerai métalliquement. Et une fois plus cette semaine, je n'ai pas pu m'en défaire, le gobelin, le pestilentiel Sinistros. Eh oui, t'es pris avec moi. Et pourquoi donc? Parce que... C'était pas une raison. Non. Tu fais comme un politicien, tu évites la question. Oui, j'élude. Oui, oui. T'as pas juste la langue de bois, toi. T'as la langue d'acier. La langue de feutre. Oui. Comment vas-tu? Eh, c'est pas tes affaires. Oui, c'est ce que je croyais. Comment vas-tu? Ben, c'est pas tes affaires encore. Ah, ben, t'es pas fin, toi. Je sais. Et tu le fais très bien. Mais comment ça se fait? Que quoi? Tu commets des actes black métalleux comme ça. Ben, j'allais m'expliquer, justement. Mais que fais-tu? Ben, c'était Marduk de Suède, effectivement, t'as reconnu. Et la pièce The Blonde Beast, qui est tirée de Frontschwein, qui est leur 13e album, paru le 19 janvier 2015 sur Century Media. Pourquoi Marduk? Parce que c'est potentiellement un des très, très rares bands de black que je respecte et qui plus est que j'apprécie. Donc, je me suis dit, bah, une fois n'est pas coutume. Fait, finalement, tu connais rien. Finalement, je connais pas grand-chose. C'est ça. Mais en fait, je connais beaucoup de choses, mais seulement les bonnes choses. Contrairement à toi qui t'es vertu à mettre des... En fait, bon, bref. Donc, c'était un petit bloc un peu World War II, si on veut, parce que le Blonde Beast, pour votre information, à vous tous qui semblent probablement très ignares... Et non, c'est pas un musicien métal à cheveux longs. Non, vraiment pas du tout. C'est Reinhard Heydrich qui était la bête blonde, le Blonde Beast, qui était le Oberkoppenführer allemand du Reich, bien sûr, qui se voyait un peu être le vice-gouverneur du Reich en Bohème et Moravie. Et c'était une sale peau de chien, un véritable boucher. Donc, bon, en fait, maintenant, est-ce que Marduk l'encens? Je n'en ai aucune idée, j'en ai rien à cirer. Juste avant, nous avions Hail of Bullets et la pièce Pour le Mérite. Pour le Mérite qu'on retrouve sur leur dernier album paru et troisième, soit Third The Rommel Chronicles, qui est paru le 28 octobre 2013 sur Metal Blade. À la suite de cet album, Martin Van Dronen a quitté le groupe. Mm-hmm. Il a été remplacé, mais ça n'a pas duré longtemps. Ça n'a pas duré longtemps. Je pense que le groupe est complètement dissous. Il est complètement dissous, effectivement. Dissous, j'irais même jusqu'à 20 sous, s'il le faut. Ah, ben oui. Oui, ça compire. Pour le Mérite, eh bien, bien sûr, c'était la devise de Rommel, qui était le renard du désert, si tu veux, qui était le chef d'une division de panzer très redoutée par l'ennemi. Et il faisait tout ça pour le mérite. Et le mérite l'a amené très loin, puisque le Führer l'a obligé à se suicider. Bah. Pour avoir failli une mission. Lui qui en avait pourtant gagné des dizaines et des dizaines. Ah, mais ça, on se rappelle toujours des mauvais coups, hein? Je pense que Hitler était spécialiste dans l'art de se rappeler uniquement des mauvais coups. C'est ça. Et un ouvert avec God Dethrone des Pays-Bas et Hail of Bullets aussi était une formation des Pays-Bas. God Dethrone et la pièce Escape Across the Ice The White Army qui fait référence bien sûr à l'armée russe. C'est tiré du très bon album, vraiment très très bon cet album là, The World Ablaze qui était là. Bon. Oh, moi j'ai vraiment très très bon comme je trouve que c'est un très bon album metal et dans la discographie de God Dethrone, leur 10e paru le 5 mai 2017 sur Metal Blade. Il est 19h22 et l'émission s'achève parce que ça nous tente plus. C'est ça. Bon, ben, allez tous vous faire foutre. Ciao. Non. Mais ce soir, c'est le retour de ce segment que tout le monde nous demande sans cesse. Les demandes pleuvent sur les sites de réanimation, sur les sites de Hurlement, et ainsi de suite, et sur le Facebook de réanimation. Quand est-ce que vous allez nous ramener le Mechanical Surgery? Ben, c'est ce soir. Ben, c'est une fois par mois, puis c'est ce soir. Ben, c'est ça. Fait que, vu qu'on a tellement de demandes, à partir de la semaine prochaine, on a juste d'industriel tout le temps. Tout le temps. Tout le temps. Puis de temps en temps, on va faire un spécial métal. Oui, c'est ça. On va faire un petit bloc métal pour... On marque de Metal Surgery. Blague à part, c'est ce soir, Mechanical Surgery pour... Maman, on s'en doute, Sinistros a fait une espèce de fouille à travers les ce qu'on peut ressortir d'appréciation au niveau de l'émission, c'est-à-dire pas grand-chose. Donc, c'est ça. Mais il semble que les gens soient plus curieux qu'on le croyait. Et plus ouverts aussi. J'ai remarqué que c'est quand même cool. Pour les deux ou trois, peut-être rendu à 4 auditeurs maintenant. Ben, semblait-il qu'il y en aurait au moins 7 maintenant. Ben, est-ce qu'on va les garder? Ça, c'est une autre histoire. On va faire attention. Mais c'est une bonne chose de savoir que les gens s'ouvrent un peu plus à la musique qui est différente que le métal. En fait, c'est notre mission et on adore le métal, mais là, à l'occasion, on veut faire des choses qui sont un peu différentes. Mais Chemical Surgery, c'est parfait pour nous de vous introduire ou de vous propulser ou de simplement de vous noyer. Vers d'autres horizons. Oui, qui sont industriels, voire IBM et peut-être parfois Dark Wave, sait-on jamais. Avant de poursuivre avec le premier bloc de notre ami Sinistro. Pourquoi je dis ami, moi? De Sinistro, ça? Oui. Ça sonnait pas très bien. Sonnait faux, hein? Oui. Tout à fait. Bon, avant de poursuivre avec le bloc de cet enfoiré de merde, oui. Nous allons aller en pause publicitaire. Effectivement. Voilà. Debout les hiboux, c'est quoi ça? C'est pour les oiseaux de nuit qui se couchent tard mais qui se lèvent tôt pour le travail. C'est ton émission du matin avec Marc Gagné et ses acolytes. Évidemment, on va brasser ta cage le plus possible en chroniques culturelles et sportives, actualités, arts, musique et événements. Debout les hiboux, un show assez fou, mais juste à point pour te réveiller du bon pied. Du mardi au jeudi, de 7h30 à 9h30, à la Radio Campus, c'est fou, 89h. Debout les hiboux est une présentation de Slam Disc, fier commanditaire de cette émission. La machine à remonter le tympan vous propose un voyage aux sources de la musique populaire tous les jeudis de 17h à 19h. Venez donc y prendre votre dose hebdomadaire de jazz et de roots. Le 7e Salon de l'Emploi Trois-Rivières-Bécancour aura lieu le 27 mars de 10h30 à 18h à la bâtisse industrielle de Trois-Rivières. Plus de 2000 emplois seront disponibles et 115 exposants seront présents. Un service gratuit de photocopie ainsi que des experts en préparation seront sur place afin de vous aider à décrocher l'emploi idéal. Pour plus d'informations, allez sur www.salon-emploi.ca. N'oubliez pas le Salon de l'emploi virtuel du 28 mars entre 8h et 17h. À Trois-Rivières, c'est le 89.1. We're back. And on devrait pas oublier de laisser la place, hein? Mais on n'a pas le choix, Sinistros. Non. Si on ne laisse pas faire au moins une intervention, on va nous faire plein de saloperies tout le long de l'émission. Effectivement, c'est moi qui n'ai pas dit pour ramasser. Ben oui, ben c'est normal, c'est un peu toi la bonne ici. Ben oui, voilà. ça se passe. Fous-toi de ma gueule, connard. Là, je pense que tu cours après le trouble. Mais il n'a pas l'air si méchant que ça, là. Je l'ai vu se fâcher une fois, hein. Il avait reviré ta litière à l'envers. Oui, je sais. Que tu n'avais pas vidé au préalable, bien entendu. Tu me proposes quoi? Ben, pour faire suite à ton escapade vers le black metal. Ben là, il y en avait juste une pièce. Ben là. Oui, mais je vais continuer, moi. Ouais, je sais que toi... On va aller vers les origines du black metal. Ah non! Ben oui! Ah là, je vois ça, là. Faites-vous-en pas, j'ai essayé de trouver des choses qui étaient bien enregistrées. Ben merci. On va avoir des pionniers du genre. Ouais, c'est vrai. Avec Enslaved. Enslaved n'a pas toujours été un groupe de progressifs. Ben non. On a commencé. C'est sûr, c'était du black metal un peu plus étoffé, plus pété que les autres, là. On va voir Emperor. Emperor aussi, qui est un band. C'est une figure de proue. C'est ça. Une figure de proue dans le black, mais étoffé aussi, tu sais. Mm-hmm. Puis Old Man Child, ben, ça, c'est un autre. C'est Galder. C'est Galder. Fait que Enslaved, j'ai choisi la pièce Low, que c'est paru sur Frost, qui était le deuxième album paru le 4 août 1994 sur Osmose Productions. Et là, j'avoue, honnêtement, que je ne connais pas tellement cet album. Ben, c'est assez bien. C'est différent de ce qu'on connaît aujourd'hui. Oui, définitivement. D'Enslaved, mais c'est quand même assez étoffé, là. D'accord. T'sais, on pourrait comparer ça, mettons, au premier album de Voivod avec ce qu'ils font aujourd'hui, mettons. Ah, à ce point-là? À ce point-là. Ah oui. Emperor. On la passera pas de bord. Pourtant, t'aimes les premiers Voivod. J'adore. Bon. Hey, félicitations, Voivod. Oui, effectivement, oui. Félicitations. Ben oui, remporter un Juno, c'est bien mérité. Après 35 ans. quand même. Après, c'est ça. C'est ça. Ça sera suivi de, d'Emperor avec de. Ben, je nommerai les tunes après, finalement. Ben là, ouais. Puis Old Man Child. Alors, allons-y tout de suite. Enslaved, Logue. À réanimation. Let's go! 19h42. Et oui, vous êtes toujours à l'écoute de Réanimation des Undead Incorporated Show. En compagnie de Sinistro, c'est de moi-même, votre bon Dr. Pain Pendragon, jusqu'à 21h. Ce bon docteur et c'est le mauvais gobelin, c'est ça, hein? Ouais, on peut pas te cacher grand-chose par moment, toi. T'as moyen à venir. Mais je l'ai pas dit. Non, tu l'as pensé à haute voix. J'ai même pas eu le temps, t'as réagi tellement vite. t'es tellement franc, toi. C'est vrai que je lis dans tes pensées aussi. C'est sûr que quand j'ai pas le dessus du crâne, c'est facile de lire dans mes pensées. Mm-hmm. Old Man Child avec Soul Possessed, c'est paru le 7 octobre 1997 sur l'album de Pagan Prosperity. Sur Century Media. Un one-man band en Thomas Rhone Anderson Orr, alias Galder. Aussi de Dimmu Borgir. Ben, c'est, je te dirais, par contre, rien de sorti depuis 2009. Hein, fait que le statut, il est indéfini. Écoute, il aime bien mieux faire la scrap avec Dimmu Borgir que faire des bonnes affaires avec One Man Child. Pourquoi? Ben, c'est peut-être plus payant. J'y souhaite bien. Parce que le dernier album de Dimmu Borgir, ça. Non, j'ai ça pas vaut, ça vaut pas cher la craque. Non, j'ai pas aimé non plus. Emperor, avec la pièce The Burning Shadows of Silence. C'était paru le 21 février 1994 sur l'album In the Nightside Eclipse. C'était sur Candlelight Records. Ouais, mais Emperor, là, on disait tout à l'heure, mais ça existe toujours, là. Ils sont en statut actif, mais qu'est-ce qu'ils font? Pas grand-chose. Ils font juste des spectacles, des festivals ici et là. Ouais. C'est pour faire revivre un peu le mood, là. Oui, mais tu sais, ça fait pas tellement longtemps qu'ils sont revenus, là, dans le fond. Là. Ben, 2016. 2016, c'est ça. Ouais. Puis on a commencé avec Enslaved, le deuxième album, Frost. On a entendu de la pièce Loke. C'est paru le 4 août 94 sur Osmose Productions. Ben, ça, je t'avoue que cette phase-là de Enslaved, je l'aime peut-être un peu moins. Peut-être trop black à mon goût. C'est sûr que t'aimes pas le black. Ben, tu sais, c'est comme... Il y a des gens qui aiment pas la soupe à l'oignon, puis ils sont pas obligés d'en manger. Ben, c'est sûr. Ça fait que je suis pas obligé d'écouter du black. Ben, tu me bouges les oreilles quand je vais en mettre. Non, à la place, je vais sortir dehors. Ah! Puis je vais mettre d'autres choses intéressantes, comme Seul moi sait le faire. C'est toi, tu m'habilles du meshuga. Ben oui, puis c'est extraordinaire. Et les gens redemandent. Alors pas du tout. Ben oui. Alors que le black metal, je reçois plein de menaces par courriel à dire, c'est une histoire qui passe plus ça. Parce que c'est... Non. Sinon, on arrête d'écouter l'émission. Mais tu feras pas grande différence. Vous l'écoutez pas, anyway. C'est en plein ça. Bon, il est bien... Non, mais tu sais, c'est pas simplement des fans de Metalcore qui disent ça, fait que tu dis pas ton chemin et va écouter d'autres émissions. Non, ça, là, Sinistro, je suis obligé de te dire que oui, il devrait aller écouter une autre émission. Puis des fans de Metalcore, là, c'est des gens qui connaissent pas la musique. Tout simplement. Oh, ça y est, on vient de perdre un auditeur et demi. C'est pas grave, on va le remplacer par le huitième d'un autre. Oui, on a le temps de faire ce premier segment avant la pause publicitaire de ce Xème segment Mechanical Surgery, dont j'oublie peut-être le huitième. On les compte plus. Bon, non, ça comme dans la carte. Mais oui. C'est moi qui ouvre le jeu cette fois-ci avec, je dirais, un bloc de trois pièces avec des groupes ou voire one-man band qui sont plus dans l'histoire sombre de la chose, là, connotation un peu plus même horreur. On va entendre à l'instant de Vancouver le projet du duo Will. Will, dans le fond, c'est des gars de Frontline Assembly. Oui, c'est ce que je dirais tout à l'heure au retour de la présentation. On va entendre cet artiste de Suède, In Slaughter Natives, et on va conclure cette première partie avec de Vancouver également, FLA ou Frontline Assembly. Let's go! Are asleep and dreaming.

RSK est fier de présenter son show d'humour pour la session d'hiver 2019, Sugar Sammy. Nous sommes très heureux de pouvoir l'inviter à l'UQTR le 20 mars prochain. Prenez note que ce spectacle est offert seulement pour les étudiants de l'UQTR. Vous pouvez vous procurer votre billet sur lepointdevente.com. Ce lien est disponible sur notre page Facebook. Vous pouvez aussi vous procurer en personne au local de l'ASK, le 1085 Pavé. Nous attendons en grand nombre. C'est un spectacle à ne pas manquer. Nouveauté chez Slamdisk, Octoplot. Écoutez le deuxième album d'Octoplot. Le démon normal, d'Octoplot. Octoplot, c'est tout ni beau, il y a des émotions puis des passes élevées. Octoplot, disponible maintenant partout. Édition vinyle rouge, en magasin et en ligne. J'aime bien ça, moi, Octoplot. Fou de palmarès. 89.1. Vous êtes toujours... Ben, pour ceux que ça surprendrait, oui, vous êtes toujours à l'écoute de Réanimation. Surtout après ce bloc-ci. Mais oui, c'est effectivement Réanimation The Undead Incorporated Show jusqu'à 21h. On vient d'entendre la première partie de ce segment Mechanical Surgery dans lequel, à l'instant, on avait de Vancouver FLA ou Frontline Assembly, formation qui avait jour en 86 et qui est composée de Bill Leeb, vocal principalement, et de Rice Fulbert. Mais aussi, ils ont eu que Michael Balk comme membre. Est-ce que tu connais Michael Balk? Non. Bon, il a joué de la basse, ainsi de suite. Et c'est un gars avec notre ami Denis Sasquatchbart a travaillé. Tu vrai? Chez eBay, à Vancouver. Eh oui. C'était Mindfazer qui est tiré de l'album Tactical Neutral Implant, qui était leur 9e album, paru le 28 avril 92 sur Roadrunner. Ça a été aussi tiré en 12 pouces, juste avant de Suède, l'artiste One Man Band, si vous préférez, In Slaughter Native, en Joni Ovukainen. Je m'excuse parce que mon suédois est très mauvais. On a entendu la pièce Death, Just Only Death, qui est tirée de son premier album, In Slaughter Natives, qui est paru en 88. Je n'ai pas la date exacte. Par contre, sous étiquette Cold Meat Industry, et ouvert avec de Vancouver également, Will, ou si vous préférez, Dernière Volonté, avec Visible Second Coming, qui est tiré du premier album Pearl of a Great Price, qui est paru en décembre 91 sur Third Nine, et The Will et Frontline Assembly, bien évidemment, il y a un lien directement, puisque Will, c'est Rice Fulbert et Chris Peterson, et Peterson a déjà aussi été dans Frontline Assembly. Donc, ceci dit, la deuxième partie de ce Mechanical Surgery appartient à notre ami Sinistros. Pourquoi je dis encore ça, ami? À Sinistros. Et on se transporte. Oui, elle dit plus ça. On se transporte en Europe. Ah oui, regarde donc cela. Europe vers la fin, ben, la mi-à la fin des années 80, avec trois formations qui ont été excessivement prolifiques et excessivement importante pour le mouvement industriel. Oui, je dirais industriel, IBM aussi. IBM, oui, effectivement. Alors, Front 242, et oui, ça se prononce vraiment Front 242, ouais. Et non Front 242 ou Front 242, c'est Front 242. Formation belge, qui ont plusieurs albums à leur actif, toujours active aujourd'hui. Ils tardent à nous faire découvrir du nouveau matériel. En tout cas, ils tournent encore et ils font du très bon stock. On va entendre une pièce de Official Version qui est parue en mois de mars 87. Ça sera suivi d'une autre formation belge qui s'appelle Agrum. Ben oui. Ça se prononce Agrum. Ouais. Mais ça fait référence aux agrumes. Oui. C'était un peu dépété, ça. À un moment donné, ils étaient en train de faire l'expérimentation musicale. Puis, ils se demandaient comment ils étaient pour rappeler leur projet. Puis sur la table, il y avait des fruits. Il y avait des fruits, puis c'était tout des citrons, des limes. Hey, on pourrait appeler ça agrumes. Puis ça sonnait comme bizarre, agrumes. Agrumes. Fait qu'ils l'ont changé un petit peu la façon de l'écrire. Oui, avec trois petits points de suspension à la fin. Apostrophe, avec point virgule, G-R-U-M-H En lettres, capital letters. Oui. Et trois petits points avec un point d'exclamation avant, bien important. Oui, c'est vrai, qui n'est pas ici présent. Non, on va entendre la pièce Gina du Plaza et on va finir par une formation, un duo anglais qui faisait dans du martial minimal IBM, mm-hmm. qui est né The Reb, mm-hmm. puis qui nous a fait pas mal triper dans les années 80. C'est assez... Mais ça peut être assez violent par moment. C'est très violent, ça rentre dans... C'est vraiment minimaliste, là. Oui. Fait qu'allons-y tout de suite, Quiet on Your Wall, front 2, 4, 2, réanimation! Let's go! The sun went down. Here, hear what we say. Said here, hear Les 7 qu'on avait gagnés, on vient de les perdre. Êtes-vous encore là? Non. Non. Hey, mais nous, on l'est encore, là. Ceci fermait la Mechanical Surgery en ce 19 mars 2019. Yep. Alors, pour ceux qui trippent vraiment pas ça... Turn it off. Pensez-y, c'est le troisième mardi du mois. Eh oui, tout à fait. Alors, on a eu droit à Nazareb, qui vient de Essex, en Angleterre, avec la pièce, la très classique et culte Murderous. Hey, ça a détruit des bars. Hein? Ça a détruit des planches de danse, mon ami, à coup de combat et à coup de dox. Oui, monsieur. Ça rappelle mon jeune âge et ton jeune âge, très possiblement. Ben non, moi, je me rappelle pas de ça. Ah, c'est vrai. C'est déjà trop vieux. C'est trop vieux. C'est paru sur l'album That Total Age, mais également en multiples 12 pouces et multiples versions. Mais même, il y avait même des 11 pouces et quart. Hein? 11 pouces et quart, mais ça, c'était bizarre parce qu'il y avait des coches dedans. Oui, il manquait des bouts de tonnes. Il fallait faire attention avec ton aiguille de disque. Ben, ton laser, ça marchait pas. En tout cas, bref. Oui, c'est cela. C'est paru le 11 mai 87 sur Geffen. Nous avons eu Agroom avec Gina Duplaza. C'est Gina Duplaza. Ben oui. Vraiment que c'est Gina, une de leurs copines qui était Duplaza. Oui, oui. C'est assez weird, ça. Hein? Ben, c'est assez pété. Vous devriez voir la chanteur aujourd'hui. Oui, c'est ça aussi, c'est assez pété. Oui, oui, oui. C'est paru sur l'album Mix Yourself. Et en non, ben, c'est un mini-album, en fait. Oui. C'est paru en 1985 sur Scarface Records. Et Front 242, qui a ouvert le bal avec Quiet Unusual. Il y a une version 12 pouces qui existe également. Quand on parle de version 12 pouces, là, on sait qu'un 33 tours, ça a quand même 12 pouces. Quand, ceux qui ne connaissent pas ça, les versions 12 pouces, parce qu'ils n'ont pas connu les vinyles, qui n'ont pas connu les clubs des années 80-90, version 12 pouces, c'est une version extended. Voilà. Fait qu'il y avait deux ou trois pièces sur maximum. Le même maximum. Mais les Français appelaient ça un maxi. Un maxi, voilà. Un maxi. Nous autres, on appelait ça un 12 pouces ici, parce que c'était pas un sous-marin. Loin de là. Non, à l'époque, on pensait pas à ça. Alors, la version 12 pouces de Quiet Unusual a duré plus de 8 minutes, puis on a scrappé des planches de danse, puis nos semelles de dox là-dessus aussi. Alors, c'est ce qui closait... Sam Mechanical Surgery du mois de mars. Soyez-y, mesdames, messieurs, pour le mois d'avril. Et ça ne sera pas un poisson. Mais si ça peut les consoler, il en reste juste deux avant l'heure. C'est ça. On va un peu, mais on revient... La 13e édition d'Université en spectacle se tiendra le samedi 30 mars prochain, dès 20h, au cabaret de l'Amphithéâtre Cogeco. Ce spectacle met en scène plusieurs artistes venus de plusieurs universités du Québec. Il en coûte 15 $ pour la communauté étudiante et 20 $ en admission générale. Billets en vente au kiosque près de la cafétéria ou sur amphithéâtrecogeco.com. Debout les hiboux, c'est quoi ça? C'est pour les oiseaux de nuit qui se couchent tard mais qui se lèvent tôt pour le travail. C'est ton émission du matin avec Marc Gagné et ses acolytes. Évidemment, on va brasser ta cage le plus possible en chronique culturelle et sportive, actualité, art, musique et événements. Debout les hiboux, un show assez fou, mais jusqu'à point pour te réveiller du bon pied. Du mardi au jeudi, de 7h30 à 9h30, à la Radio Campus, c'est fou, 89h. Debout les hiboux est une présentation de Slam Disc, fier commanditaire de cette émission. Audiomatique avec les sonoristes. Tous les mercredis à 17h. We'll take you up, we'll take you away. Les amateurs de métal sont conviés au rendez-vous de Subversion de Metal Show tous les deux vendredis du mois à 22h. Moi-même, DJ Tower of Death me donne le mandat d'honorer 5 décennies de musique pour des subversives, des fondations du métal traditionnel jusqu'à sa forme la plus extrême. Sur Sifo 89.1 du côté gauche, la bande FM en Mauricie. Fou de musique du monde. Sifo 89.1. ...20h30, pile. Et vous êtes toujours à l'écoute de réanimation des Undead Incorporated Show, et ce, jusqu'à 21h. Et Sinistros, tu nous présentes la première nouveauté cette semaine. Ben oui, le nouvel album de Candlemass. Oh! Groupe que tu n'aimes pas du tout. Non, j'haïs ça. Oui. Je ne peux pas commencer, j'ai présenté ça. Moi, je me le demande sincèrement. J'ai l'impression que c'est mon clavier qui a écrit ça tout seul, ça a fait. Moi, j'ai l'impression que tu fais ça aussi par acte de sacrifice. Oui. Puis sacrifier pour les auditeurs. Est-ce que je pourrais te sacrifier aussi? Ah, si tu veux. Je ne m'attendais pas à cette réponse-là. Ça me dérange pas. Pour la bonne cause, bien sûr. Oui, ben oui. Candlemass qui ont sorti son 12e album en carrière qui s'intitule The Door to Doom. Ouais. Puis que, curieusement, ça fait comme une boucle. Parce que c'est Johan Lundqvist qui est revenu au vocal. Au vocal pour cet album-là, lui qui chantait sur le Epicus Dominicus. C'est ça, Dominicus, qui est paru en 1983, je pense, ou 80. Je vais vérifier à l'instant, je dois avoir cette information-là un peu. En 80 loin. Quelques. Alors, oui, c'est un retour. Candlemass s'est débarrassé de Matt Levin. On ne sait trop pourquoi, possiblement parce qu'il y avait une voix peut-être un peu trop fifon, ou je sais pas, mais c'est pas grave. Pour ton info, Epicus Domicus, Metallicus 86. 86, bon, c'est ça. Oui. Alors, on va entendre 3 pièces de cet album, dont une reprise de House of Doom, qui était parue l'année dernière, ben oui. Avec Mass Levin au vocal. Moi, je trouve la nouvelle version pas mal supérieure, elle est plus granuleuse, puis ça s'apprête plus à. Tu sais, c'est moins. Ce qu'on aime moins, là. Ouais. Fait qu'on va entendre 3 pièces. Splendor, Demon Majesty, Astorolus, The Great Octopus et House of Doom. Alors allons-y tout de suite. Candlemass, The Door to Doom. Let's go! like never born. Demented God, a monstrosity. Oh, you block the sun. Eh bien, Sinistros. Eh bien, nouvel album de Candlemass qu'on vient d'entendre, une petite partie. Ça s'intitule The Door to Doom et c'est paru le 22 février dernier sur Napalm Records. Alors, on a entendu tour à tour House of Doom, Astorolus de Great Octopus et Splendor Demon Majesty. C'est un très bon album. Pas le meilleur, mais pas le pire non plus. Non, absolument pas. Tu l'as aimé, tu lui as donné un 9 sur 10. Oui, oui, il est très très bon. C'est un très bon album. Bon, moi j'ai été moins généreux que toi parce que je suis moins fan de Candlemass, je lui ai accordé un 7. Mais pour moi, dans c'est très bon. C'est très très bon pour toi. Ben c'est ça, voilà. Tu sais, Rotting Christ, tu as donné 4.5. Oui, ça, c'est pas très bon, ça. Moi, j'ai donné 8.8. Ouais, on était des années-lumière sur certaines chroniques. Là, ça arrive, c'est pas grave. Mais non, c'est la beauté de la chose. On peut pas toujours être d'accord. En fait, on l'est rarement d'ailleurs. La semaine prochaine, chers petits amis, c'est la dernière émission du mois. C'est les albums. Marquant. Voilà. Et ce mois-ci, Sinistros et moi les adressons spécifiquement à ce qui le concerne, à Slayer Show No Mercy. Oui. Et on aura plein d'anecdotes à vous raconter là-dessus, ça va être bien vous. Oui, oui, sûrement. Ça, donc, je sais pas, mais sûrement plein d'anecdotes. Et moi, je l'adresse à Cannibal Corpse et l'album Kill. Donc, c'est. Ben, ça n'a pas manqué. Hein, c'est sûr. C'est très jamais manqué réanimation. Ben, jamais. Vous devez être fidèle au poste. Vous n'avez pas le choix. C'est obligatoire. Bon. Juste une micro-chronique cinéma avant que d'y aller avec ma présentation de la semaine. Est-ce que tu as vu le film Aquaman? Pas encore. OK. Ben, voici ce que j'en dis brièvement. Que ce soit des productions Marvel ou DC Comics, je laisse toujours la chance aux coureurs. Ceci dit, définitivement, les productions cinématographiques de DC Comics et moi n'avons très peu de choses en commun. D'accord. Mis à part les films de Batman que j'apprécie beaucoup. Mais c'est vrai que Batman, moi, je suis un fan en partant. Mis à part les films de Batman que j'apprécie beaucoup, je crois pas avoir apprécié rien d'autre chez DC Comics jusqu'à date. Ouais, c'est vrai. Et ce film-là a rapporté plus d'un milliard au box-office jusqu'à présent. Il a été encensé pour ses effets spéciaux et moi, je n'ai rien trouvé d'intéressant dans ce film-là. D'accord. Je l'ai trouvé d'une longueur excessive et je me suis même endormi dessus. Oui. Physiquement, là, pas juste au niveau figure de style, j'ai dormi sur le film et quand je l'ai repris, j'avais l'impression d'avoir rien manqué. D'accord. J'ai pas vraiment beaucoup aimé. Malheureusement, DC Comics et moi, on n'est pas très potes. Je vous propose... n'oubliez pas, cette semaine, pour les vrais amateurs de vrai rock, ici même, à C'est fou, dès 11h ce vendredi, Rock Classique, en compagnie de notre ami le Rockmaster René Lefebvre, et j'y serai cette semaine pour la deuxième partie du spécial 79. Yeah! 79 qui a de bonnes choses, faut le dire. Il y a eu des mauvaises, mais il y a eu des bonnes. Et aussi... Pour les amateurs de métal, bien sûr que vous pouvez retrouver à tous les deux vendredis sur SoundCloud et ici à C'est fou, Subversion avec DJ Tower of Death. Donc, c'était la semaine dernière. Donc, l'émission sera dans la première semaine d'avril, la prochaine. Voilà. Je vous propose la deuxième présentation de la soirée et qui clôturera l'émission en la compagnie de la formation du Maryland Misery Index et leur nouvel album qui, ma foi, m'a beaucoup plu, soit ce sixième Rituals of Power qui est paru le 8 mars dernier, donc il y a quand même relativement très peu de temps, album auquel j'ai accordé un 8,5 sur 10. Je vous propose pratiquement au moins deux pièces. Je n'avais choisi trois, mais bon, on va y aller avec deux, avec le temps qui nous reste. Et je trouve que c'est un album c'est un groupe qui a très, très bien maturé et qui donne beaucoup moins dans le grind maintenant que plus dans le death à connotation très puissante. Donc, je vous propose à l'instant New Salem ainsi que Rituals of Power, qui est la pièce-titre. On se retrouve la semaine prochaine. Et sur ce, allez tous vous faire foutre. Comment t'as dit ça, toi? Allez tous vous faire foutre. C'est you. Hey, this is Mark Kleppel from Misery Index. You're listening to Reanimation, the Undead Incorporated show on CFOU 89.1 FM. Pray not to survive. Your social evil wits with their idiot fits, tried and executed with you. Dogs. They get the words and they wither away as colors. Gates of Armageddon. Bring to